bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Prêt, pas prêt, paré, pas paré, j'y vais. Allô, allô! Bienvenue au Lobster 122.0. Cette semaine, c'est un Lobster un peu spécial. C'est un Lobster non scripté et où on reçoit, pour je crois la première fois, un invité. Et oui, cette semaine, le Lobster est enregistré de mon iPhone dans une auto avec mon frère. Car ce samedi 27 août 2022, mon frère était descendu coucher chez moi ce vendredi pour que le samedi matin, on se rende ensemble à l'encan de Rundle Finnegan, qui avait lieu au Châteauguay Valley Antique Association. Et pour ça, on devait se rendre en voiture à environ 12 km de l'État de New York dans un champ pour participer à ce bel encan. Donc, je vous laisse écouter ce que ça donne. C'est sûr que le son n'est pas le même que d'habitude. Il y avait au début le bruit de la voiture, mais en regardant un tutoriel sur YouTube, j'ai pu utiliser le filtre de réduction de bruit et retirer le bruit de la voiture. Et ça donne un son que je qualifierais de passable. Car c'est sûr que tu ne fais pas un bon potage avec une base de soupe à crotte. Mais quand même, je pense que c'est très bien étant donné la situation et le fait que j'avais juste un iPhone pour enregistrer. Donc, c'est ça. Et en passant, une petite précision avant de vous lancer ça. Il y a un moment où mon frère commence à parler du transperce-neige. Et malheureusement, la bande sonore coupe pendant quelques minutes. Je pense que mon téléphone a glissé à ce moment du milieu de l'auto et ça a coupé l'enregistrement. Mais seulement pour une ou deux minutes. Donc, de mémoire, j'ai recréé la conversation que nous avons eue à ce moment et je l'ai insérée à la bonne place. Voilà! Sinon, je vous reviens en fin d'enregistrement avec le mot de la fin et pour vous donner mes impressions finales sur cette journée. Sur ce, bon Lobster! Allô, allô, bienvenue au Lobster 122.0. Aujourd'hui, c'est un Lobster un peu spécial. On est dans une voiture et on a un invité. Un invité forcé. Oui. On est avec Alexandre, mon frère. On est à bord de sa voiture. C'est quoi comme marque de voiture? C'est vraiment naturel. C'est tellement pas intéressant pour les gens. Ils s'en foutent totalement. Mais là, hey, on est dans une voiture de luxe, là. Oui, Mini Cooper, c'est ça. Ah, une Mini Cooper. C'est quoi le concessionnaire? C'est beau. C'est mon coup de la gueule, non? Puis je l'ai pris grise parce que les grises vont plus vite, frère. Non, mais c'est qui le, qui vend ces voitures-là? C'est BMW. Ah, c'est ça, c'est BMW, c'est une voiture de luxe. On aurait juste dû dire qu'on était à bord d'une BMW. Puis c'est ça, aujourd'hui, on fait un épisode spécial. On est en route vers. On s'en va dans un encan, Valley Châteauguay Auction. Qui est à Inching Brooks, près des États-Unis. J'ai toujours pensé que tu lisais pendant les podcasts, mais finalement, non. C'est pas naturel. C'est original. On dirait que tu lis, mais c'est pas le cas. Non, mais là, je pense dans ma tête à ce que je vais dire. Là. Ok, ok. Moi, c'est une faculté innée, j'ai nous parlé, j'ai pas besoin de prendre. Non, faut que tu participes. Là. Je pense que tu es le premier invité après Chewbacca. J'ai déjà eu Chewbacca qui était invité. Chewbacca, ok. Ouais, ouais, mais il manque. On aurait dû pogner notre pousseuse finalement. Ça aurait été bon. Ouais, ben là, si tu parles de la pousseuse, faut que tu racontes que tantôt, on a vu une fille sur le bord de la route qui faisait du pouce. On a hésité à l'embarquer, mais ta BM n'est pas suffisamment grande pour l'embarquer. Ok, je suis rendu qu'une BM officiellement. C'est... Ouais, ouais, c'est plus haut. Donc, c'est ça, on se rend à un encan aujourd'hui. C'est un encan qui est animé par Randolph Flanagan. On peut le voir à la TV. Puis, C'est ça, c'est comme une foire agricole. Et là, il commence à il commence à mouiller. Ça va être une belle journée, pluvieuse. Ça va vraiment être la merde. Oui. Ouais, ça sera pas... C'est-tu en dessous d'un chapiteau? Ouais, l'encan, lui, est en dessous d'un chapiteau. Non, c'est pas super. Mais dehors, là, on peut manger de la tarte agricole que les grands-mamans ont faite, acheter des bas de laine, voir du tir de tracteur. Puis c'est ça, fait que j'ai imprimé aussi les sujets que je devais parler que dans mon podcast, parce que je prépare à l'avance. Passage à niveau sur votre trajet. Ah, puis on est avec Vanessa aussi, oui. Vanessa de Waze. Qui, ouais, Vanessa qui nous dit où aller. Elle nous dirige. C'est correct. Donc, j'ai des sujets que j'ai apportés, puis on va en discuter. Oui, des sujets forcés. Oui. Non, mais c'est super intéressant. Regarde, premier sujet qui a été publié le 10 août par l'agence France Presse. L'eau de pluie sur Terre est impropre à la consommation à cause de la présence de produits chimiques toxiques dépassant les seuils. C'est quand même inquiétant, là. Ils disent, il n'y a nulle part sur Terre où l'eau de pluie serait propre à la consommation. Bon, c'est écrit normalement considéré comme intact. Les deux régions ont des niveaux, là. Les deux régions, j'imagine, c'est l'Amérique puis l'Europe, 14 fois supérieure aux recommandations américaines pour l'eau potable. Fait qu'en gros, on l'a pollué avec des PFAS. C'est des produits dans les emballages, des shampoings ou encore les maquillages. Fait que c'est quelque chose qui est pogné dans le cycle. Puis non mais c'est décourageant un petit peu là. Ouais. On peut même plus boire l'eau de pluie. Ouais, mais en théorie, l'hiver nucléaire va tout régler ça. Ça va les dissoudre, c'est correct. Ça va bien aller. Ouais, mais à chaque fois que tu parles de l'univers nucléaire, ça me fait... L'hiver nucléaire, ça me fait toujours penser à la série La Compagnie des Glaces, si tu veux. Hey, tu connais-tu, là, je sais qu'on fait du coq à l'âne, mais tu connais-tu Transperce-Neige? Je fais le meilleur film du monde. Non, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast de ton film Transperce-Neige. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait qu'on fait des glaces. Non, restons sur Transperce Neige. Ça, c'est un film que mon frère m'avait conseillé d'écouter. C'est super bon. Puis il y a une série qui est bonne aussi. Oui, la série, j'ai essayé d'écouter. J'ai écouté les deux premiers épisodes. Mais ça, c'est... Ouais, j'ai écouté les deux premiers épisodes de la série de ton Transperce Neige, mais je te laisse nous raconter c'est quoi. Check, frère, check, là, des gros gloutons! Ouais, pour nos auditeurs, je vais spécifier qu'il y a des dindes sauvages dans un des champs qui bordent la route. Mais bon, mais exception faite des glouglous, raconte-nous, Alex, c'est quoi au juste le Transperce-Neige? Moi, je me souviens que c'est un train qui voyage tout le temps, genre de mouvement infini. Les pauvres sont en arrière, les riches en avant. Check Fred, il y en a d'autres! Des grosses affaires, gros de même! Ça boite des oiseaux, tu feras pas croire que ça peut voler! Ouais, pour nos auditeurs, je vais spécifier que mon frère vient de voir d'autres dindes de sauvages. Sinon, moi, j'ai pas assez aimé ça, le Transperce-Neige, pour écouter le film, la série ou lire la BD. Tu voudrais pas nous résumer la fin, par exemple? Moi, j'aimerais ça la connaître. Tchic, tchic, il y en a une qui a l'air d'être albino, c'est toute blanche, ça a pas de bon sens. Faut que je prenne des photos de ça, personne va me croire en job. Ouais, pour nos auditeurs, je vais spécifier que mon frère vient de voir une dinde sauvage albinos. On va prendre une petite pause musicale le temps que l'on passe les chants à dindons. Bon, on est de retour dans le Lobster 122.0 et... un lobster spécial où on parle de la Compagnie des Glaces. Oui, c'est ça. Tantôt, on parlait de... tu disais l'hiver nucléaire, puis à chaque fois que je pense à ça, je pense aux nains qui sont dans le petit... quand tu lis... on se souviendra que la Compagnie des Glaces, c'est une des séries les plus longues écrites par par une seule personne. Alors, j'ai trouvé dernièrement, justement, une série qui est encore plus longue. Oh, c'est la série Perry Rod. Ça se peut-tu? Ah oui, Perry Rodan. Oui, mais c'était pas écrit par la même personne. Ça, non, c'est ça. Lui, sont 15 personnes qui écrivent à tour de rôle. Puis il va par cycle. Tu peux lire juste le cycle 22, genre. Mais ils sont rendus à... Ouais, ça continue, ça. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est depuis 1900 qui est 68, je pense, qu'ils écrivent ça. Mais c'est de la bonne science-fiction, style les vieux livres anticipation. Oui, exactement. Ça se lit bien, moi, je me souviens de mais ça. Mais c'est mauvais. Mais non, c'était bon, moi, c'était dans mes souvenirs. Ah oui, ouais. J'en ai acheté un chez Renaissance dernièrement. Puis, ouais, mais ça, c'est comme avec Antoine. Tu peux pas dans les reins dire c'est pas bon, là, tu sais. Ouais. Il aime pas le brocoli, il faut qu'il en mange trois fois, là. Il a le droit de dire que c'est pas bon. Ouais, c'est sûr que moi, je n'ai pris un au hasard dans le milieu d'un cycle. Puis je l'ai lu, mais. Ouais, c'est ça. Je n'ai lu la moitié, puis c'était quand même pas intéressant de la manière que c'est écrit. Parce qu'il l'écrivait sous la forme d'une narration. Fait que c'était vraiment, en tout cas, périrodant, c'était pas trop bon. Non, c'est ça, l'hiver nucléaire, ça me fait toujours penser à Compagnie des Glaces quand on est rendu dans le cycle où ce que la je veux pas vendre le punch, là, mais la... Ah, tantôt, ça te dérangeait pas pour le transpercement. Ouais, mais là, je vais le vendre aussi, là. Ah, okay, ouais. Je fais juste semblant que je suis gentil. Non, ce que je veux dire, c'est que dans Compagnie des Glaces, le premier cycle, c'est que la planète est gelée, puis c'est les compagnies de train qui contrôlent tout. Les trains doivent toujours être en mouvement, mais dans le cycle de feu, en tout cas un cycle plus loin, on est rendu que la Terre a fond, puis là on découvre qu'il y a des nains à bord d'un bateau nucléaire qui eux habitent là, puis ils font tout le temps, tu sais, l'amour à la même femme, puis ils sont rendus un peu dégénérés, là. C'est drôle d'arriver là, la Compagnie des Glaces, les gens vont penser que c'est ça. C'est pas ça. Ça, ce que tu parles, c'est un livre. Oui, je 62. Sais. Ça marche pas quand tu fais de fixation sur les nains. Ouais, mais j'avoue que c'est une bonne partie de fun, mais... Nos oui, puis ils mangent des chiens, des carolus. Des carolus, ouais. Oui. Puis c'est ça, à un moment donné, le glaciologue, qui est le personnage... principal qui s'appelle Lien Rag, il se ramasse sur ce bateau-là. Puis là, la femme, elle lui demande de faire l'amour avec pour pouvoir régénérer le sang puis qu'il arrête d'avoir des nains. Ouais, mais c'est ça, parce qu'eux autres, leur hiérarchie est basée sur leur grandeur. C'est plus exact. T'es grand, plus t'es chef dans leurs univers, ben dans le monde, ils l'appellent le monde. C'est quoi qu'elle s'appelle la chimère? C'est ça le nom de le bateau nucléaire. Ah oui, fait que le monde de la chimère. Ouais. Ben, j'ai relu, là, pas long, parce que, écoute, c'est la meilleure série qu'il y a pas. Ouais, exact. Mais j'ai lu ce qu'il y a après, là, ce que tu m'avais. Ouais. C'est bon, mais pas autant que la Compagnie des Glaces. Moi, j'ai décroché un peu. Puis pourtant, il a écrit ce qui se passe avant. Puis okay. Ça, j'aime ça. Je sais pas pourquoi, là, après, on dirait que ça vient délaver un peu parce que, tu sais, on les a vus, les personnages, là, ils ont traîné. Il y en a qui meurent, évidemment, là, parce que c'est quand même une épopée. Long, ouais. Mais, en tout cas, j'ai trouvé ce qui se passe après moins intéressant un peu. C'est ça, les 62 premiers sont vraiment parce que bons. Tu peux vendre le poche, là, parce qu'un jour, la Terre en devient plus glacée. Puis ça, ouais. Mais la seule chose qu'il ne faut pas dire, c'est pourquoi la Terre est glacée. Mais non. Mais ça, il ne faut pas en parler. C'est ça. Ça, il faut le dire. Bon, mais si tu vois, regarde, juste de parler d'eau de pluie nous a amené à parler de neige. C'est surprenant, par exemple, que l'eau de pluie ici, ou tu sais, en Amérique du Nord, soit polluée, ça me surprend parce qu'écoute, on n'a pas de centrale au charbon, puis tu sais, c'est pas. Ben, oui. Mais bon, j'imagine que les vents ramènent la merde de partout. Oui. Fait que là, ceux qui ont des barils de pluie pour ramasser votre eau, ben, c'est de l'eau polluée maintenant. OK, fait qu'on a déjà fait un sujet. Là, j'avais amené plusieurs sujets. C'est des faits étonnants. Je crois que c'est 12 faits étonnants qui se passent dans le monde. Je vais t'y lire, puis tu vas me donner ton avis. Ouais, OK. Le fait numéro 1, laisser son bébé dehors en Norvège. Il n'est pas rare de voir plusieurs poussettes devant les bars et les restaurants en se promenant en Norvège. Et ça, même s'il fait vraiment froid, on laisse tranquillement les bébés faire leur sieste à l'extérieur, même dans les garderies. Ici, ça nous semblerait quand même déjà étrange, mais surtout, il y aurait un paquet de vols de bébés. Mais en Norvège, c'est pas pareil, les gens sont un poil plus respectueux. Ouais, c'est pour fortifier le système immunitaire. Je l'ai déjà lu, cette news-là. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi, c'est la première fois. Je sais pas si c'est bon. On est loin de ça, en tout cas. Non, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il laisse pour aller voir. 5,5 km. Tournez à gauche sur chemin. T'as raison, Vanessa. Merci, Vanessa. C'est ça, il laisse dehors pour pouvoir aller magasiner ou faire des choses. C'est un petit peu bizarre. Non, c'était pour fortifier le. En tout cas, OK. Ah, ben, on parle pas de la même nouvelle. Là-bas. Non, c'est ça, ils disent qu'il laisse dans les poussettes devant les bars et les restaurants. OK. Non, moi, la nouvelle que j'avais, dans le fond, c'est qu'il laissait, il mettait dehors, en groupe, là, mais, tu sais, presque pas habillé pour que, dans le fond... Ah, qu'il devienne plus fort au froid. Ouais. C'est pas en même lieu. OK. Ben, je trouve ça bizarre un peu, mais il me semble que j'irais pas boire en laissant mon enfant d'en haut, ça ben non, non. Mais tu sais, c'est peut-être des mentalités différentes, là. C'est un peu différent. Ouais. Puis surtout, ces articles-là, c'est des faits anecdotiques. Là, ouais. Ça doit pas être tout le temps. Ouais. C'est ça. Ton bébé dort à moins 40. Parking à bébé dehors. Ouais, c'est ça. Fait numéro 2. Se faire asperger de bouffe et de peinture quand on est diplômé en Argentine. Sur chemin de l'église. Dans la catégorie des célébrations étranges, lorsqu'on est diplômé de l'université en Argentine, les amis et les familles nous balancent de la peinture et de la nourriture. Genre des œufs. Oh, j'ai raté le chemin de l'église. Je pensais pas que ça allait. Tournez à gauche, oups, puis tournez à droite. Pas grave, Vanessa, tournez à gauche sur avenue de la caserne. Tiens, tournez à droite sur chemin de l'église. Ouais, je parle, puis on manque ou si on s'en va. Oh, on vient de rater une seconde fois. On le rate pas. C'est drôle, il y a un fait dans l'article que je veux lire. C'est marqué porter un masque quand on est malade dans certains pays asiatiques. Fait que c'est un vieil article. Là, on est rendu qu'on porte pas mal toutes des masques quand on est malade maintenant. Là. Ouais, mais c'est ça, les pays asiatiques, eux autres, c'est même. Il y avait la respect pour les gens, ouais. C'est ça. Fait. Mais là, c'est peut-être de quoi qui va arriver ici. Nous on le fait au travail, là, mais. Fait que les gens sont malades, ils mettent à cette heure, là. Mais c'est plus pour COVID. Ah. Ici, à gauche, on a Matelas Giroir. On est je suis à Sainte-Barbe en ce moment. Puis Matelas Giroir, pour l'anecdote, je me rappelle plus pourquoi, il y avait un panneau, c'était marqué qu'il vendait des antiquités à un moment donné. Et des matelas? Ouais. OK. Puis je suis rentré là, puis je suis rentré chez Matelas Giroir, puis j'ai dit, ah, j'ai vu que vous vendiez des antiquités. Puis le monsieur dit, non, il dit, on ne vend pas vraiment des choses, mais il dit, j'ai un gros sou en argent derrière le comptoir. Fait que là, je suis rentré là, puis j'ai acheté de gros sous. C'était $1,1900. Je me rappelle plus de quelle année, mais c'était un gros sou en argent. Là. Il m'a vendu ça 15$. OK. Sa seule antiquité, donc, après ça, ouais. Il a enlevé sa bancaire. Ouais, c'est ça. OK. Moi, je pensais que c'était une place qui vendait du vieux stock, mais non, c'est des matelas. OK. Ouais. C'est un peu comme si je me mettais une pancarte de genre fermier chez nous, puis que j'avais une pinte de lait à vendre. Ouais, c'est ça. Il y avait comme rien. T'as seulement bidon. Ou ça avait peut-être changé de vocation. OK, ouais. Bon, oh, ouais. On est à Huntingdon. Ouais, moi je connais quand même le coin parce que les grands-parents de mes garçons habitaient dans le coin. OK. Bon, ils habitaient à Saint-Agnès-de-Dundee. Ah, mais on est déjà allé. Moi, je sais juste que je me repère aucunement. Là. Ouais, ben ouais, c'était ce chemin-là qu'on avait pris. C'est pour ça que j'ai augmenté ma relation avec Vanessa, parce que sinon. Ouais, c'est Vanessa qui nous guide aujourd'hui. OK, fin numéro 5, mètre. On va passer la carte. Il est plat, c'est avoir un sauna chez soi. Là. Fin numéro 5, mettre un poisson dans sa baignoire avant Noël en souvlaki. Il faut que tu. Là, c'est compliqué pour toi, hein, parce que là, il faut que tu lises. Là, faut que tu dises à ton cerveau des informations que tu dis en plus de dire. C'est ouf. Ah non, c'est ça. Et parce que là, le lobster n'est pas préparé d'avance. D'habitude, j'écris du texte et j'essaie de le lire naturellement. Mais ça a-tu l'air d'enregistrer que je lis d'habitude ou. Ben, des fois, oui, non, mais ça s'est amélioré avec le temps, là, on s'entend. Ouais, j'essaie de faire ça. C'est comme ton premier épisode avec l'histoire Eric qui est super bonne, là. Mon chien. Mais tu sais, après ça, tu parles, puis c'est super. Pas naturel. Non, j'essaie d'être plus smooth maintenant. C'est sûr que ça prend du temps. C'est pour ça que j'en sors pas beaucoup. Si je pouvais tout le temps l'enregistrer comme ça sans préparer le texte, il y en aurait un par semaine. Ouais. Mais... Puis t'aurais peut-être plus d'auditeurs non plus. Là, ouais, c'est ça. Ça, c'est drôle. Peut-être que les gens vont te quitter. Là. Le plus d'auditeurs que j'ai eu sur un épisode, c'est 1100. Ouais, mais c'est bon, c'est incroyable, pareil, quand tu regardes ça. As-tu le chiffre total, la totalité des écoutes? Écoutes et downloads, parce que moi, je les écoute pas, je les télécharge, là, mettons. Mais non, parce que moi, j'ai déposé sur PodCloud, c'est un site français, mais j'ai lu qu'ils boostaient tes statistiques pour pas te décourager. Okay. Parce que quand tu commences, là, ils disent « Ah oui, t'as déjà 100 personnes qui t'écoutent, puis c'est pas vrai, là, t'en as 3. » Ok, c'est bidon. Ça, j'aime pas ça. Là, c'est... Non, c'est ça. J'ai lu ça, fait que c'est moche. Fait que moi, pour voir les vrais stats, je vais sur le site où je les dépose. Moi, je les dépose sur Internet Archive. Ok. C'est comme un site où tu peux garder les affaires du monde, là, la voix, les affaires. Puis là, ils t'écrivent vraiment le chiffre à chaque fois qu'il est téléchargé. Fait que là, PodCloud, des fois, me disait, ah oui, dans les débuts, là, genre, t'as eu 300 écoutes, j'allais voir, j'en avais eu 6. Là. Okay, ouais. Fait que c'était vraiment tout faux. C'est comme moi, mes vidéos, j'étais tout content. Je regarde le nombre de views total. J'étais, oh, 10 100, mais tu sais, j'ai 423 vidéos ou je sais plus quoi. Ouais. Fait que si tu divises, c'est comme si il y avait 6 personnes qui ont écouté chacune de mes vidéos. C'est pas bon, mais. C'est pas mal ça, ouais. C'est pas pour ça que je le fais, là. Ouais. Non, c'est ça, moi non plus, je le. Mais tu parlais d'Internet Archive, t'as-tu pogné? Je pense qu'ils sont affiliés avec Wayback Machine. Dans le fond, là, ils enregistrent tous les sites web depuis, je sais plus quoi, 90, là. Ah ouais? Fait qu'à tous les mois, ils ramassent. Extraits. Ouais, fait que là, dans le fond, tu peux aller sur le vieux site de, je sais pas, Gibson en 1992, puis tu vois qu'est-ce qui sortait là, c'est super le fun. Il me semble que c'est ça, Wayback Machine. Ah, OK, fait que t'aurais genre la toile du Québec d'enregistrer. Ah non, c'est intéressant, ça. OK, si on revient à notre article, on... 6. Se faire asperger de cannelle si tu n'es pas marié à 25 ans au Danemark. Ça donne quoi? Alors, déjà, bien que j'adore ce pays, je suis en train de lire, ils ont un vrai problème avec la cannelle. Ils en foutent partout en énorme quantité. C'est chiant qu'on n'aime pas ça. Mais alors, ils poussent encore plus ce vice avec cette tradition. C'est une tradition. Si t'es pas marié à 25 ans, ben, tu sais, ils t'attachent à un poteau pis ils tirent de la cannelle. OK, ça a quoi comme vertu? Rien. C'est juste, ben, c'est marqué, c'est pour s'humilier. OK, c'est. Ah! Ils se foutent la honte en public en se tirant de la cannelle, d'accord? Ouais. Puis il y avait une photo, mais je l'ai pas imprimée. Bon. Numéro 7. Pouvoir trouver facilement beaucoup de renseignements sur quelqu'un sur Google en Suède. C'est bizarre. Il n'est pas forcément difficile de trouver le nom, l'adresse, la date de naissance, le salaire ou encore le type de voiture. Tu vois, c'est important, le type de voiture. Tu vois, j'ai encore raté la route. On a raté la route avec le beau voyage. Oh, le monsieur, il y a du beau bois de chauffage. Fait que là, on est en train de se tourner chez quelqu'un qui s'est fait livrer 2 cordes de bois. Mais ça a pas l'air d'être du bon bois. Non. Il n'y a pas de boulot, pas de merisier. Non. OK. OK, on va lâcher cet article-là. J'en ai un dernier. Pas trop intéressant. C'est ça que s'y arrive, pas de préparation, qu'on sait pas trop. Non, c'est pas trop. Non, mais je peux couper des bouts, par exemple, pour faire du montage. C'est surtout ça qui me fait peur. Ouais, c'est ça. Comment ça va virer. Ça se peut que ta voix change des fois. Tu sais, à base, je parle du nez, mais là, quelqu'un qui parle du nez, si tu m'étais de parler du nez, ça va être horrible. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Ah, on arrivait des meilleurs. C'est écrit se doucher 2 à 3 fois par jour au Brésil. Ils disent on ne plaisante pas avec l'hygiène au Brésil. Les gens se douchent donc plusieurs fois. Mais c'est sûr qu'il fait chaud là-bas. Ouais, mais. Ils se brossent les dents souvent. Mais c'est quoi ça? Puis il y avait, eux autres, j'avais pas rien à faire. Il y avait un problème d'eau en plus. Fait que là, ils voulaient que les enfants fassent pipi dans la douche pour économiser les flochards. Mais là, si tu me dis qu'ils prennent 3 douches par jour, il y a le problème là, de manque d'eau. C'est comme une conséquence. Ouais, mais bon. Mais, toi, t'en penses quoi de faire pipi dans la douche? Ça, t'as eu ta voix non naturelle en passant. Oui, là, c'est ça. Ma voix d'intervieweur. Oui, c'est mais ça. Mais toi, là, mais laisse à Gonzague. C'est ça, Gonzague, ton intervieweur. Saint-Louis de Gonzague. Oui, laisse-lui interviewer. Oui, ben, qu'est-ce que j'entends de faire pipi dans la douche? J'ai pas aucune opinion sur le sujet. Ah non, moi, j'ai lu que. Dans le pipi, là, il y a l'urée, puis ça empêche de faire des champignons autour du. C'est pour ça que ça moisit jamais dans l'affaire du Ousclocol. Il faudrait que tu fasses une capsule. Information générale! Parce que t'es quand même en train de nous lâcher des informations sur l'urée, là, tu sais. Ouais. Mais est-ce que, oui. Fait que ça l'empêche de moisir, tu dis. Ben, j'y vais de mémoire, là. Je suis pas vraiment sûr. Et tes sources, c'est quoi? C'est Internet? Internet. Oui, c'est ça. C'est un peu comme la. Disons que tu te fais piquer par une méduse, il faut que quelqu'un te pisse dessus, non, là. C'est dans le même style. Hey, on fait un stop, OK? Ouais. C'est niaiseux, là. Là, ouais. Tu parles de pipi, se faire pipi dessus. Ouais. Tu te souviens-tu, là, c'est pas fin, là, mais tu te souviens-tu de grand-maman à la voix? Ouais. Puis elle avait les mains secs. Là, elle s'est rendue compte, un moment donné, t'allais faire pipi, puis il y a du pipi qui est tombé sur les mains. Ouais. Puis là, oui, et puis là, elle disait, mais depuis ce temps-là, moi, ça m'écœurait de manger chez eux, là, parce qu'elle faisait ses. Tu te souviens pas de ça? Ah, okay. Elle s'était pissé ses mains? Ouais, puis là, elle s'était rendue compte que ses blessures, coupures et autres, elle avait apposé qu'elle était vieille, elle veut pas, là. Ouais. Puis que ça l'apaisait ses mains, fait que là, elle se faisait pipi sur les mains, tu te souviens pas? Non! OK. T'étais peut-être déjà à Montréal, toi, dans ce temps-là. Aïe, aïe. Puis c'est ça, mais là, à partir de cette époque-là, moi, manger ses bonnes, tu sais, ses bonnes tartes au sucre, puis tout est ouais, ouais. Elle faisait ses pâtes avec ses mains. Puis, ben oui, c'est dégueulasse, ça fait. C'est, oui, c'est ça. Mais vous l'aurez appris dans le Lobster 122.0. Ça, ça fait partie des parties que tu peux couper. C'est pas... Ben non, hey, on arrête. OK, ben là... Je pense qu'on va prendre une pause, parce que j'ai vu qu'on est rendu à 12 km de New York, fait qu'il faut plus se tromper. Non, on est correct. C'est... Moi, j'ai pas mon passeport. Non, non, non, je sais qu'on est correct. Non, je viens de voir qu'on était, on est déjà rendu à Eschenbrook. Yes. Puis c'est là qu'on se rend, donc je sais pas qu'est-ce qu'on va acheter. Nous, on s'en va là pour l'enquête. Toi, t'as-tu des appréhensions ou des expectatives? Tu, y a-t-il quelque chose? J'adore les vieilles toiles. Fait que si, okay. Si y a des vieilles toiles inconnues, mais avec une belle main, c'est sûr que je vais essayer. Mais sinon, instrument de musique. Mais ça, tout le monde se bat pour ça. Ouais. Ça vaut même pas la peine de bider pour ça. Mais sinon, non, on est comme d'habitude dans les trésors et ce qui nous allume. Ouais, moi, je me souviens quand je suis venu, je pense que c'était c'est avant la pandémie que j'étais venu. Puis, j'avais misé assez haut pour essayer d'avoir 3 clairons. Il y avait quelqu'un qui avait mis en concession des clairons. Tu sais, que tu souffles, puis ça fait de l'armée. Là. Mais les clairons, c'est ceux-là qui sont ronds, non? Non. Oui, il y en avait un qui était rond, mais ça avait l'air des affaires de l'armée. Là. OK, OK. Ancien, puis c'était vendu en haut de 200$ quand même. Il y a une madame qui voulait absolument, il était en cuivre et tout. Là. Ouais, mais c'est ça, ça devient un coup de cœur pour quelqu'un. Tu peux pas convertir ça, tu vas être payé pour rien. Fait que ça vaut pas la peine. C'est comme les guitares, les gens, tout le monde se dit qu'ils ont trouvé un trésor. Que... Mais moi, j'ai 220, 210, je veux pas dépasser ça. Okay. J'ai pas de chèque, fait que c'est parfait. Là. Au pire, ouais. Je vais m'arranger avec toi. Là. Ouais, moi, j'ai mon chéquier parce qu'on peut payer avec argent cash ou avec des chèques et si on a un permis de conduire. Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde. Si on achète des affaires qui coûtent cher, on n'a pas l'argent cash. Mais c'est beau, fait qu'on se laisse là-dessus, on part en musique et on écoute quelle musique? Je sais pas, mais on y va. Moi, je vais avec In Flame, ouais, ça fait longtemps. On l'a écouté tantôt, mais on va réécouter c'était quoi? All Alive? Yes. Okay. On a dit un nom qui n'existe pas, All Alive. Non, c'était All the Pain. Je pense. Ah oui, All the Pain. OK, on écoute. All Alive! All Alive! And All the Pain! All the Pain! Sur le Love Style 122.0. Eyes on the world aren't me. I might not come back from this. On my knees, fighting the future for all of my beliefs. Broken and discarded, alone, alone and left behind, living the illusion. Just a pawn, And I was lying to myself, not giving in, my heart still beating. C'est quoi ton nom? Benoît. Hey, merci Benoît. Hein. Ben, y'a pas de trou, ça me fait plaisir. Passe une bonne journée. Ben, merci toi aussi. Bye. C'est une belle aventure. Ready? Ready. Bon, ben, bon retour dans le Lobster 122.0. On vient d'aller à Langueur, puis comment t'as trouvé ça? Super le fun. Il nous est quand même arrivé beaucoup de choses depuis qu'on est arrivé. Ça fait combien? On est arrivé à quelle heure? 11h? Ouais, non, ben non. Avant ça. Non, il est arrivé à 10h. 10h15, maintenant. Là, il est rendu 2h43. Mais on pouvait plus partir. Oui, c'était impossible de s'en aller. Parce qu'on a embarré les clés dans l'auto. Ouais, ça arrive. Et là, il a fallu, pour avoir un serrurier, s'abonner à CAA. Combien ça t'a coûté? C'est intéressant. Ah ben oui, j'ai pas pris CAA normal à 100$, j'ai pris CAA Plus à 180$. Vu que je passais un call que je voulais immédiatement, il fallait que je paye des surfrais de 40. Donc ça t'a coûté 220. Ouais, mais j'étais abonné au CA pour un an. J'allais le prendre pareil. C'est juste que. Ouais. Tu sais, c'est pas. Fait que le call, il coûte 40$ finalement, vu que tu l'aurais pris. Okay. C'est ça. Ça a pris. Le call a pris environ 2h30. Non, 1 heure. Il disait 1 heure, me semble. Ah, mais c'est parce que ça faisait déjà. Un bout de temps, là, on l'a placé, il y a 1 heure, on a encore. Ah, ok, ça a pris 1h40 à peu près. Ben, ouais. Ben, bon. Ça a été long. Ouais. Mais on a eu le temps de manger des maïs. On a eu le temps d'aller. Ouais, là, le Lancan, faut en parler, ça, c'était le bout de merveilleux. C'était comment toi, t'aimais ça? Oui. Ouais. Surtout que tu t'achètes les deux premières caisses, puis tu fais. Ouais. Non, bon. C'est ça. Moi, j'ai acheté les deux premiers lots de Lancan. C'était des lots qui étaient sur des plateaux. Le premier lot m'a coûté 17$. c'est écrit petite bouteille. En fait, c'est tous des vieux médicaments dans le temps. J'ai pas encore fait le tour de la boîte, mais il y a un vieux rasoir pour se raser. C'est tous des vieux médicaments, là, du vieux Vicks, je sais pas quoi. Il y avait Vicks, il y avait Noxzema. Noxzema aussi. Chose qu'on met, ils ont même plus cette image-là, la les compagnie. Boutons, ah, ouais. Je ne mettrais pas ça d'en face. Là. Mais bon. Et le deuxième lot s'est écrit aussi petite bouteille pour 17$. Ça, c'est des petites bouteilles, je pense, de produits. Je sais même pas c'est quoi. C'était juste le plaisir d'acheter des choses. Ben oui, c'est. Si j'en vois une, extrait Pinolex concentré. Ouais. Ah oui, il y avait des produits pour le cuir chevelu. Je fais le point un peu plus tard là-dessus. Oh, peut-être que tes cheveux vont repousser. Exact. Hein, ça, tu me le donneras, moi je suis tout en train de perdre. On va faire un essai. La troisième chose que j'ai acheté, c'est là que j'étais un peu distrait, j'ai acheté des cochonneries. J'ai acheté des. C'est des genres de plaques en brasse. On dirait des plaques de. C'était d'une église, parce que ça me semble que j'ai vu Réveille, ou quelque chose dans ma. Ah oui, puis c'est CH quelque chose. C'est écrit le tabernacle, ouais. Quelque chose. Ou c'était pour le chemin de croix dans l'église. Peut-être, mais ça valait clairement pas le prix que t'as payé. Regarde, des trésors! Ça valait clairement pas le 20$ que j'ai payé pour ça. Donc moi, je m'en tire avec une facture de 64,37. Puis toi, qu'est-ce que t'as acheté? Deux lots de toiles, les plus affreuses les unes que les autres. Un lot à 17, l'autre à 2$, là, tellement que c'est... 2$? Oh! Ouais. Ça, c'est elle. Jason main. Pollock, là? Oui, le Pollock avec un cadre en MDF, là. C'est... Ouais. Mais, puis non, c'est le genre peinture de grange et de vieux chalet que j'aime bien, là. C'est ça. Non, mais c'était quand même le fun. Ouais. Mais finalement, là, je comprends rien de ce que M. Flanagan dit. Je suis même pas capable d'oser son coup qu'on est rendu. C'est tellement de chiffres en même temps que tu sais pas si t'es à 12 ou à 100. Là, Non, c'est ça. Moi, à chaque fois que j'ai misé, j'avais aucune idée combien. Des fois, je demandais au monsieur qui est en face de nous autres. Là, il y a comme des gens qui l'aident. Puis il me disait 12$, c'est rendu 15$. Fait que là, je savais que c'était pas trop haut. J'ai levé la main. Hein. Mais dans le fond, là, on dirait qu'on achète dans vibe du. C'est comme un événement, là, on s'entend, c'est un spectacle, c'est drôle. Là. C'est ça. Oui, Vincent. Puis on avait il y avait quoi, 3 caméras? Ouais. Parce que là, ils filmaient pour la télévision. Là. C'est quoi l'émission des Encanteurs? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. D'où ta technique de les caméras sont là, faut que je bide pour des lots que je veux pas. Ouais, c'est ça. C'est... Non, mais moi, j'étais content des petites bouteilles et du rasoir. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre après avoir pas compris que t'achètes ça. Ouais. C'est correct. Ça a un nom, ça justifie un achat. Exact. Sérieux, mais c'est correct, c'est bien. C'est quoi la plus belle chose, tu penses, qui a été vendue aujourd'hui? Je sais pas. La lumière, peut-être? Oui, la lumière. C'est elle qui a monté beaucoup. Il s'attendait à beaucoup, là, ça paraissait. C'était combien qu'ils sont vendus? 500? 500, ok. Ouais. C'est 500$ pour c'est une lampe sur pied en laiton. Puis ça ressemble à une lampe qui était dans un phare ou quelque chose. Mais magnifique, là, de la hauteur d'un humain. Style air intuitif avant, là, je sais pas. Mais non, elle était super. Puis le trépied était super beau aussi. Ouais, un trépied ajustable. C'est la patine que ça a avec le temps. Mais tu sais, de là à mettre 500 pour ça, moi, j'ai pas d'utilité. C'est l'ampli de musique que j'aurais aimé, mais ça voulait pas venir. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on est parti. Puis l'affaire que je trouve que c'est vendu super cher, c'est la. C'était 4 affaires qui disaient biscuits Vio. Non, on n'a pas compris ça, pourquoi le monde se battait pour ça. Oui, c'était écrit biscuit Vio, puis c'était en bois et avec des vitres. Puis ça devait être un présentoir à biscuits. Il y en avait 4. Puis la madame qui a misé jusqu'à 105, mais c'était par présentoir. Puis elle les a pris les 4 présentoirs, donc 4 fois 105$. Fait que ça, c'était le... Les bonnes affaires s'en venaient là. Ah fin. Ouais. Parce que clairement, les gens étaient tannés, il n'y avait presque plus personne. Eux autres sont tannés aussi, ils veulent se débarrasser. Fait que les lots, les choses partent à des prix ridicules. Puis les lots, ils grossissent parce que s'il y a quelque chose qui se vendait pas, après ça, ils mixaient avec le lot suivant. Ah ouais. Fait qu'il y avait par exemple une boîte de chapeaux. Il essayait de vendre une vieille boîte à chapeaux de 2$, ça s'est pas vendu, mais il est parti avec la lampe qui suivait. Ah, intéressant, c'est une belle journée, les chips étaient bons, on a croisé les Dion. Ouais, on pense qu'on a vu les Dion qui s'achetait des chips maison. On pense pas, on a vu ah, les Dion, c'est bien plus hypé de dire ça. Ouais, les Dion étaient là, il y avait un super orchestre qui jouait toujours la même chanson. Ouais. Tu sais, c'était... belle activité, là, les tracteurs, c'était cool, il y avait plein de vieilles autos. Et qu'est-ce que t'as vu? À qui t'as donné des chips maison, Fred? Ouais, c'est ça. Ça, c'est une super belle histoire qui nous est arrivée. Pendant qu'on a reçu l'appel comme de quoi que le towing est arrivé, là, on s'est dirigé vers l'entrée pour aller l'intercepter. Là, moi, je marchais un peu en arrière, puis une madame a dit « Ah, oh, les beaux chips que j'ai commandés! » Fait que là, je suis allé vers elle pour lui en donner. Mais là, cette madame-là n'était pas seule, fait que je l'ai offert aux deux femmes qui étaient avec, et là... Toudou! Ben oui, c'est des personnes comme les autres. Toudou! Pas seule, fait que je l'ai offert aux deux femmes qui étaient avec, et là... Ben oui, c'est des personnes comme les autres. Tu me dolles, c'est un lutin. Il y a même une femme, non? Et oui! Sur le site, ben oui, c'est des personnes comme les autres, pourquoi ça te fait rire? C'est ça me tombe des dents! Ouais. Tu devrais pas dire nain, c'est des gens de petite taille. C'est ça marqué, parce que là, ce qui pourrait se passer, par exemple, t'as pas vu ses pieds. Si elle a du poil sur des pieds, c'est une petite gent. Fait que c'est pas la même catégorie. Ah ouais, c'est un lutin? Je pense que ça va être à surveiller à l'avenir. Ouais. Mais bon, hein. Mais je sais que c'était vraiment une personne de la petite taille. Elle souffrait du nénisme, c'était parce qu'elle s'est levée pour prendre les chips, puis elle m'arrivait au nombril. Faut que tu coupes des bouts d'ici, là, nourrir, là, il y en a trop. Mais je comprends pas pourquoi tu ris de ces gens-là. J'arrive pas. Ok, bien. Parce que moi, j'essaie d'être respectueux toujours dans tous mes podcasts. Oui. Et justement, j'avais préparé un article sur les nains. Sur les jeunes, t'avais un petit temps. J'ai amené ça, c'est un article que j'ai imprimé. Ah non, c'est dans Divertissement. Ok, les nains dans Divertissement. Oui, oui. Attends, je l'ai ici, c'est un concours. Ok, c'est un concours, c'est des gens de petite taille. Toi, tu dis des nains, là, mais c'est des gens de petite taille qui se sont mis ensemble pour remporter un concours Guinness. Guinness. Les 514 personnes comptées portaient le costume typique de nain de jardin, incluant un chapeau pointu rouge et une paire de bottes. Certaines naines. Oui. À partir de ce moment-là, j'ai le droit de les appeler nains parce qu'eux autres même s'appellent comme des nains. Dans le journal, oui. Regarde, c'est bon. Puis il dit, certaines femmes naines ne sont pas gênées pour porter une barbe qui était exigée. Parce que là, c'était un concours, il y a eu 514 nains de jardin ensemble. Fait que là, ils sont déguisés en nains de jardin pour le concours, mais les naines de jardin, ça marchait pas. Fallait qu'il y ait une barbe, ça. Okay. Bon, ben, respect. Le concours a été. le concours a été rempli. J'ai amené aussi un super belle anecdote. Mais c'est où? Attends. C'est Grégory Charles. Tu connais Grégory Charles? Oui, l'homme qui dort pas. Oui, il dort 3 heures par nuit. Ouais. Il a dit de passage à Salut Bonjour ce lundi 7 octobre, ça doit être l'année passée, pour faire la promotion de quelque chose. Puis il a raconté une anecdote qui était super drôle. Il dit, durant l'entrevue, Gino Chouinard et ils l'ont questionné sur l'émission Les Débrouillards, parce que c'est lui qui animait ça dans le temps. C'était une émission quand moi je faisais. Puis il dit, dans cette émission, chaque fois qu'on me mettait en contact avec les animaux, il arrivait un désastre. Puis c'est ça, il a tourné derrière un éléphant. OK. Puis l'éléphant, il a fait caca dessus. Puis il s'est blessé. Ça a sorti comme en trompe. Il a eu comme un jet. Ça a sorti fort. Puis c'est ça. Il s'est-tu étouffé ou il s'est pas mentionné, j'imagine? Et non, il dit qu'il y a eu une commotion. Ben voyons donc. Oui. OK. L'éléphant a fait ses besoins et Grégory en a payé les frais. Il dit, ce dernier résumé en bruit et en gestes qu'un éléphant qui fait ses besoins, c'est assez brutal. Ouais, c'est ça. Lui, qui a été transporté à l'hôpital après avoir reçu sur le côté du visage un excrément vivement éjecté par la bête. C'est marqué commotion, knock-out, boum. Puis tu sais, il travaillait à la TV, c'était un accident de travail. Comment ouais. T'as écrit ça, genre, elle était percutée par un étron géant? Ben c'est oui, quoi, ben ça fonctionne. Oh, c'est spécial. Ah. Oh là là. Et sinon, qu'est-ce que j'avais amené? Une question pour toi, c'est une question. Oh. Puis pour nos auditeurs aussi, combien de temps ça prend pour avoir un ananas, d'après toi? Un ananas. Pour faire pousser un ananas. Pour que ben, le fruit soit fait comestible, il précise. Ouais, okay. Mais je pense que c'est plus qu'un an. On va dire, moi, je vais avec 13 mois, 14 mois. Ben là, la bonne réponse, c'est 14 mois. C'est ça pour toi? Ouais, je suis dedans. Okay. J'ai déjà écouté un émission, je sais que c'est plus qu'un an. Et dire, c'est pour qu'il soit vraiment comestible, c'est 14 mois. On dirait que c'est arrangé, j'ai déjà eu la bonne réponse. Mais non. OK. Puis il dit, selon l'espèce et la méthode de culture, il est possible que vous deviez attendre autour de 28 mois, soit 3 ans plus tard, pour avoir un ananas. C'est pourquoi l'ananas est un fruit plutôt cher. Ouais, quand même. C'est pas mal ça. Mais tu savais-tu que l'ananas, il y a un enzyme, ça, je sais pas dans le texte, mais il y a un enzyme dedans. Qui oh là, non, faut que tu fasses... Ah ouais. Je sais plus c'est quoi j'ai dit, là, la minute du savoir! Saviez-vous que l'ananas, il y a un enzyme dedans qui digère la peau? Fait que quand, tu sais, disons que tu bois du jus d'ananas, là, ça digère le bord de la bouche. Là, tellement que c'est acide, genre? Ouais, okay. Mais c'est, pas ben, c'est un enzyme qui... Ben oui, c'est pour ça que ça pique le bord de la bouche, parce que t'es en train de te digérer la peau de la bouche. OK. Fait que si je veux faire souffrir quelqu'un, je l'attache dans un bain de jus d'ananas. Ouais. Fait que tranquillement, il va être digéré. Okay. Comme dans Breaking Bad, il aurait pu faire ça pour le dessous. Ouais, j'ai pas écouté Breaking Bad, mais j'imagine que c'est ça. Moi non plus, j'ai rien pogné cet épisode-là, franchement. Mais moi, j'ai écouté Deadwood, puis pour, je sais que pour se débarrasser. Je sais que pour se débarrasser de quelqu'un, c'est. Faut le donner au cochon. Bon, ben, c'est ça. Avant de partir en musique, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Avant que je continue avec d'autres choses. Non, super journée, c'était super le fun. Même mis à part les clés, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Ben oui. En tout cas, bonsoir les... Comment, des lobstériens? Les lobsters. OK. Bonsoir les lobsters. Ben merci, fait qu'on continue. Je sais pas si j'ai fini le lobster, mais on continue la musique. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk. Yeah. yourself down, the fun is never end. Love is the drug that makes you wanna drink till the morning after. I open up the paper, there's the story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope, looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my I like.

une femme née. Là, il y avait une femme née. C'est un lutin. C'est un lutin. C'est un lutin. Là,